Intelligence intellectuelle versus intelligence vibratoire. Partie 1 de 2. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'intelligence intellectuelle est le résultat de la réflexion de l'ego. C'est une intelligence qui prend des informations, les rassemble, analyse, produit également des synthèses. Alors que l'intelligence vibratoire, c'est une intelligence qui est immédiate, qui est la résultante de la canalisation de l'esprit par l'homme, de sa contrepartie cosmique. Donc, lorsque l'intelligence vibratoire se manifeste, eh bien, vous pouvez constater une vibration, une énergie qui apparaît, qui se superpose aux propos qui sont tenus par la personne qui va manifester cette intelligence-là. Donc, autrement dit, c'est une intelligence qui est vivante, qui est dynamisante, qui est chargée d'énergie, alors que l'intelligence intellectuelle est le résultat de l'ego qui va ressasser des mémoires, alors que l'intelligence vibratoire, c'est une intelligence qui amène de la nouveauté, étant donné que c'est le résultat d'une canalisation qui est faite de l'esprit, donc la contrepartie cosmique de l'être humain. Donc, lorsque l'intelligence vibratoire se manifeste, il y a toujours un éclatement de nouveauté dans le mental de l'humain parce que l'intelligence vibratoire, c'est un phénomène qui est imprévisible dans le sens que la personne qui va canaliser cette intelligence-là va être en mesure de parler sans savoir ce qu'elle va dire par la suite. Autrement dit, la personne a un mental qui est vide, qui est disponible à la nouveauté, alors que l'intelligence qui réfléchit, eh bien, c'est la personne qui, avant de prendre la parole, un peu comme un joueur d'échecs qui va calculer plusieurs coups à l'avance avant de bouger un pion, eh bien, c'est une intelligence qui est calculatrice. Donc, dans l'intelligence calculatrice de l'ego, eh bien, la personne va dire telle chose parce qu'elle s'imagine que l'autre va dire telle chose par la suite pour ensuite rajouter telle autre chose. Donc, c'est une intelligence de calcul. C'est en relation avec l'insécurité de l'ego qui n'est pas capable de tolérer le vide créatif qui permet d'accéder à la conscience vibratoire de l'esprit. Tant que l'ego n'est pas capable d'assumer totalement le vide mental qui est nécessaire pour canaliser l'esprit dans son état pur, dans sa plus grande vitalité, eh bien, à ce moment-là, l'ego ne fait que travailler avec l'intelligence intellectuelle. L'intelligence intellectuelle a eu une très grande utilité lors de la période de l'involution, c'est-à-dire la période de descente de l'esprit dans la matière, à travers le phénomène de l'incarnation de l'âme, parce que c'est une intelligence qui a permis progressivement de structurer la pensée de l'individu, de l'organiser, mais ce n'est pas la finalité pour l'individu d'avoir accès à beaucoup d'informations dans son mental, parce qu'il existe quelque chose au-delà de ça. C'est sûr que présentement, notre société ne tient pas compte ou très peu de l'intelligence vibratoire, étant donné que c'est une intelligence qui est embryonnaire, qui est en état d'émergence chez les individus sur Terre. Donc, autrement dit, présentement, c'est une intelligence qui n'est pas véhiculée, par exemple, par le réseau de l'éducation, que ce soit les cégeps, les collèges, les universités, parce que c'est une intelligence qui se veut, à l'époque actuelle, comme étant marginale. Pour vous illustrer dans le concret la distinction entre l'intelligence intellectuelle et vibratoire, eh bien, on va pouvoir en avoir une bonne illustration lorsqu'on va constater comment que deux personnes différentes vont procéder pour régler une problématique ou répondre à un questionnement. Par exemple, quelqu'un veut s'acheter une voiture. Lorsque la personne utilise l'intelligence intellectuelle, eh bien, elle va analyser les pour et les contre liés à l'achat de la voiture. Donc, la personne peut passer plusieurs heures à aller sur Internet, aller voir des revues, des articles, devrais-je dire, qui sont en ligne, ou également des revues papier, ou des émissions de télévision lorsqu'on parle de voiture, écoutez ça. Donc, elle va se renseigner, elle va accumuler de l'information en vue de faire un choix éclairé, ce qui n'est pas mauvais en soi, soit dit en passant. Sauf qu'éventuellement, l'être humain en évolution doit aller plus loin. Il doit être plus rapide aussi, plus efficace. Donc, autrement dit, lorsque l'être humain travaille avec l'intellect, on va prendre des informations sur, par exemple, le modèle de véhicule qu'on désire, la quantité d'argent qu'on est prêt à investir. On va analyser les propriétés de différents véhicules en termes de rapport qualité-prix, en termes de sécurité automobile, en termes d'options, à savoir si on peut avoir l'air climatisé, si l'auto a une bonne qualité de pneus, la puissance du moteur, et ainsi de suite. Donc, on peut traiter l'information en accumulant des données se rapportant à des détails techniques se rapportant au type de véhicule qu'on veut acheter. Et ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Alors que lorsqu'on travaille d'une manière qui est vibratoire, eh bien, à ce moment-là, on canalise l'énergie de notre esprit. On pose la question à notre esprit, au double, par rapport à tel véhicule, est-ce que c'est intelligent ou non de l'acheter? Puis là, on va ressentir une vibration. Tel autre véhicule, c'est-tu intelligent ou non? Puis tel autre, puis tel autre. Fait que là, à chaque fois qu'on évalue un véhicule avec la vibration qui se dégage du véhicule, du vendeur, du garage, donc lorsqu'on fait appel à notre sensibilité pour vibrer l'objet qu'on désire, eh bien, c'est une démarche très différente de celle qu'on emprunte lorsqu'on analyse des données pour acheter un objet qui demande du temps et de l'énergie, tandis que quand on vibre, c'est un ressenti, c'est instantané, c'est synthétique. Donc, lorsqu'on ressent que tel véhicule, par exemple, qu'on a essayé parmi une douzaine de véhicules, c'est celui qu'on sent plus à l'aise, on le vibre davantage, on ressent plus que c'est le véhicule qui est approprié pour nous, eh bien, à ce moment-là, on a une mesure de quel est l'achat à effectuer. Donc, vous voyez que le fonctionnement entre les deux est très différent, parce qu'il y en a un que la personne, en tant qu'ego, prend en charge de traiter l'information, les 2D, regarder les avantages et les inconvénients, par exemple, d'acheter une auto plutôt qu'une autre. Donc, c'est intellectuel, c'est intellectuel, on prend des données qui sont morcelées sur un sujet ou un domaine pour en venir à une conclusion. Alors que quand c'est vibratoire, ben, on est conscient, un, que la pensée vient d'ailleurs, deux, qu'on peut être en contact avec notre esprit. Donc, on peut poser la question de l'esprit, c'est quoi le véhicule le plus approprié pour moi, là? L'intelligence vibratoire s'installe lorsque l'individu est ouvert à procéder avec sa sensibilité, lorsqu'il apprend une décision, plutôt que juste faire appel à l'intellect. Bien entendu, lorsque la personne vit la transition entre le fonctionnement cérébral, intellectuel, logique, rationnel, cartésien, pour travailler avec un fonctionnement qui fait appel à la conscience de l'esprit, qui implique une conscience éthérique, une conscience de l'occulte, peut se donner un délai de transition entre les deux. Eh bien, ça peut être utile pendant un certain temps d'utiliser encore l'intellect. Il faut se respecter là-dedans parce qu'après tout, mieux vaut prendre une décision d'une manière intellectuelle plutôt que de ne pas en prendre du tout, tout en se permettant parfois de vivre des espaces dans lesquels notre conscience va être vide. Et on va être attentif et en état d'accueil et de présence à l'être qui se manifeste en nous, notre contrepartie cosmique, à travers une vibration. Et plus que l'état de vitalité associé à la vibration est présente, et bien plus qu'on peut ressentir que c'est la direction que cherche à donner notre esprit pour prendre une décision ou à notre existence. Donc, il faut être capable de se laisser guider à quelque part par ce fil Ariane de nature vibratoire à travers le labyrinthe existentiel, tout en ayant suffisamment d'esprit critique pour ressentir que lorsque la vibration ou l'idée qui émerge dans notre mental n'est pas appropriée, qu'on est capable de la contester et puis de contester l'entité qui est derrière cette vibration qui est injuste et ainsi manifester notre intelligence. Parce que l'intelligence vibratoire, c'est pas juste une intelligence de perception, de vibration, mais c'est une intelligence aussi qui permet de réajuster les entités dans l'invisible qui nous parlent d'une manière inadéquate pour faire en sorte que ces entités dans l'invisible nous parlent d'une manière intelligente. Donc, autrement dit, on ne permet pas à des entités occultes à nous, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux de chair, mais qu'on peut percevoir à travers notre vision psychique de la réalité, nous jouer dans le dos, nous manipuler. Donc, on n'en laisse pas le droit de nous en passer des petites vites, pour employer une expression québécoise. Et plus qu'on réussit à passer les tests, c'est-à-dire être capable de faire preuve de discernement, d'esprit critique, de capacité de contester une vibration qui est désajustée, eh bien, éventuellement, on développe notre intelligence et éventuellement, on devient ce qu'on appelle des architectes de la lumière, c'est-à-dire des êtres qui composent des réseaux d'intelligence qui entourent leur structure énergétique et progressivement vont remettre de l'ordre dans le cosmos et aussi, de manière à plus court terme, dans la structure énergétique qui englobe la Terre, liée au fait que la structure de la Terre dans son aura, c'est-à-dire le plan astral qui l'entoure, il y a beaucoup de pollution. Les êtres qui grandissent en conscience vont, qu'ils le veuillent ou ne le veuillent pas, de par leur rayonnement psychique, influencer toutes les structures énergétiques qui les entourent. Que ce soit leurs animaux de compagnie, les gens qui les entourent, l'environnement de leur maison, leur jardin. Parce que cette conscience, lorsqu'elle s'installe, effectue un rayonnement qui passe à travers la parole de l'individu, ses gestes et son champ d'énergie, son aura, sa structure énergétique. Et le danger de la connaissance intellectuelle, c'est de croire, encore une fois, on tombe dans le piège de la croyance, que c'est l'aboutissement de la vie d'un individu, par exemple, de réaliser une maîtrise, un doctorat ou même un post-doctorat à l'université, alors que c'est seulement des éléments qui servent au développement intellectuel. Donc, c'est seulement une étape dans le développement et non pas l'aboutissement d'une carrière professionnelle ou d'une compréhension ou du processus d'évolution d'une âme sur Terre. Donc, il faut bien comprendre la nuance, la distinction entre les deux. Et lorsqu'on s'imagine que le moyen est la fin, c'est-à-dire le développement d'une intelligence intellectuelle, c'est là qu'on est piégé et c'est là qu'on est limité et saturé et plafonné sur un stade d'évolution. Alors que l'être humain, lorsqu'il se conscientise, il réalise qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus vaste que l'intellect, qui peut aller au-delà de ça, et pour y arriver, ben c'est d'être en communication télépathique avec son double, c'est-à-dire l'intelligence de son esprit, qui lui permet d'avoir accès à beaucoup d'informations d'une manière instantanée, immédiate, s'il a la capacité de canaliser l'information et de l'assumer, et un corps émotif et bien entendu intellectuel suffisamment stabilisé pour absorber cette information, absorber cette énergie, un peu à l'image d'un fil qui ne doit pas avoir trop de courant qui passe dedans pour ne pas brûler, pour ne pas être surchauffé. Donc, pour pas que le canal psychique de l'être humain amène l'individu à sombrer dans la folie, eh bien, il faut pas qu'il y ait non plus trop d'informations qui émanent de l'esprit, que l'individu accède d'une manière immédiate. Au début, par exemple, l'intelligence vibratoire peut se manifester à petit dosage au sein de la conscience de l'individu. À un moment donné, l'individu a une idée créatrice. Puis là, il y a une expérience d'eureka, d'euphorie momentanée. Wouh! J'ai telle idée, c'est intéressant. Puis il y a une autre idée, puis une autre idée. Donc, tranquillement, il y a l'information au compte-goutte. Après ça, ça s'élargit. S'il est capable de soutenir le jet sans craquer, un peu comme un tuyau. Hein. S'il y a un tuyau, il reçoit de l'eau. Il reçoit un certain débit. Il est capable de contenir ça. Un peu plus, il est capable de contenir. Ah, s'il en reçoit trop, il commence à craquer, il commence à éclater un peu partout. Ah, là, il faut que ça arrête. Puis après ça, on en remet juste un petit peu. Puis là, si on voit qu'il y en a trop, ben c'est un ajustement que l'esprit fait avec vous à travers l'intelligence vibratoire qui, à un moment donné, peut se manifester dans votre vie.